Bonjour à l'écoute du journal Sans Papier sur Radio Panique ou Radio Campus. C'est l'été, c'est les vacances. C'est le moment où on aimerait tous pouvoir faire nos bagages, prendre un train, un avion, n'importe quoi pour partir à Marrakech, à Ouagadougou. Et c'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible parce que on a des fois pas l'argent pour s'arrêter de travailler. Et puis c'est pas facile aussi quand on n'a pas de papier. Quand on n'a pas de papier, c'est même difficile d'aller jusqu'à Ostende. C'est difficile d'aller jusqu'à Ostende parce que les trains sont contrôlés. Les trams sont contrôlés aussi. Et du coup c'est un peu difficile même d'aller jusqu'à la Grand Place quand on est sans papier, quand on est migrant. Quand on est migrant, c'est un peu difficile de se déplacer. Surtout qu'à la Grand Place, on n'est pas sûr que question rafle et arrestation, il y aura des vacances. Alors au journal sans papier, on a quand même décidé de partir quand même, et on va partir en Allemagne, on va partir dans le sud de la France, on va partir à Paris, on va partir aussi dans le pays lointain des archives, on va aller piocher des souvenirs comme ça dans le grand tiroir des sons non diffusés. Imaginez-vous que je viens d'un pays avec beaucoup de ressources, mais malheureusement la population doit vivre pauvre parce que les multinationales volent tout. Der Kongo ist ein Land mit ganz vielen Reichtümern, aber das Volk hat nichts davon, weil die Multinationalen alles stehlen. The Congo is a very rich country, but the people who are living there don't profit from that at all. Voilà, entre autres, des raisons qui font que les gens ne peuvent pas vivre dans nos pays. Sinon, on ne vient pas ici pour commander la richesse. On ne vient pas ici pour commander la vie. Mais nous sommes en insécurité, et cette insécurité, ceux qui sont responsables, ce sont ces G8 qui se réunissent. Stop, stop, stop! Archibald, stop! No border, no nation! Stop deportation! We are here. Freedom of movement is everybody's right. We are here and we will fight. Freedom of movement is everybody's life. Laga! Ça, c'était la manif qui a réuni 10 000 personnes à Rostock pour la liberté de circulation le 4 juin 2007. Les slogans disaient en substance « Plus de frontières, plus de nations, arrêtez la déportation. La liberté de circulation est un droit pour tous. Nous sommes là, nous allons nous battre. » Il faut imaginer l'ambiance de cette grande manif, 10 000 personnes. En fait, les organisateurs de la manif, pour vous dire, avait prévu 2000 personnes, et c'est une marche qui devait aller d'un centre, de ce qu'on appellerait nous un centre ouvert dans la banlieue de Rostock, jusqu'au centre de la ville, jusqu'au port. Et vu l'ampleur de la manifestation, la police a très longtemps bloqué le cortège et a fini par le disperser, le diviser avant qu'il ne touche le centre de la ville. Et donc on était là 10 000, un peu bloqués dans une route encadrée par des files de policiers et survolés bien évidemment par des hélicoptères. À propos de Rostock, on peut considérer que dans cet anti-G8, je ne sais pas si c'est une généralité, mais en tout cas dans cet anti-G8, on pouvait rencontrer un peu trois sortes de personnes. La première catégorie, c'est les gens qui viennent à cet anti-G8 pour s'adresser aux gouvernants qui sont réunis là, donc pour faire du lobbying, pour attirer l'attention des médias, pour se rapprocher au maximum de la zone interdite. On trouve des gens qui n'ont pas grand-chose à faire de parler aux gouvernants, mais qui trouvent important de renseigner les autres, de leur apprendre ce qu'ils ont trouvé dans leurs recherches. C'est souvent des chercheurs, des spécialistes de questions sociales, et qui viennent là donc pour faire des conférences et pour délivrer leurs messages. Et puis il y a une troisième catégorie qui est là ni pour faire du lobbying, parce qu'en général elle n'y croit pas, ni pour enseigner aux autres quoi que ce soit. Elle est simplement là pour se rencontrer et pour essayer de créer des réseaux internationaux. Bon, inutile de vous dire que cette troisième catégorie, pour laquelle on a quand même un petit peu plus de sympathie du côté du journal sans papier, que cette troisième catégorie est en général assez minoritaire encore. Mais alors c'est donc dans cette partie de l'anti-G8 qu'on s'est baladé avec Benoît. Et alors on a rencontré Gérard. Alors Gérard, il est militant chez ATTAC et aussi chez Novox, le réseau Novox dont il va nous parler et on va reparler un peu plus tard dans cette émission. Et alors il est également photographe et donc on s'est baladé un peu aux environs de Rostock avec lui pour prendre des photos et aller cueillir des fraises, une très bonne fraise à Rostock. Et ça nous a donné l'occasion un jour de parler des contrats omis. Voilà, on est à peu près dans le pire endroit pour faire de la radio. Là, il va y avoir un bruit de fond. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on est en pleine campagne. Mais alors, c'est une autoroute. Regarde-moi toutes ces voitures, mais c'est délirant. Quand on vient de Rostock, qui ressemble à une ville fantôme, quoi, ça fait un peu bizarre. C'est une campagne vachement résidentielle, en fait, hein, aussi. Les riches ont l'air d'être dans la campagne. Dans le sud de la France, c'est les contrats OMI, si ma mémoire est bonne, qui attribuent sous couvert de l'organisation... Non, sous couvert de l'Office des Migrations. Oui, c'est l'Office des Migrations internationales. Voilà. Et bon, il y a des contrats de travail temporaire. Des contrats de travail temporaire. C'est dérogatoire au droit français. Et si, encore une fois, s'il y en a un qui va au prud'homme, c'est vite vu, tant il ne sera pas réembauché. Et ça permet à beaucoup d'avoir quand même. Malgré des conditions de travail qui sont très difficiles, avec des contrats très précaires, tout ça, d'avoir un peu plus de thunes que ce qu'ils auraient en restant sur place. Alors que ce soit au Maroc, il y a beaucoup de travailleurs marocains qui travaillent dans ces conditions-là. Et malgré cette précarité extrême, l'an dernier, dans la plaine de la Croix, il y a eu une grève. Une grève, alors c'est très très intéressant. Donc on a été les voir. Et c'est là où on a pu voir dans quelles conditions ils vivent et tout ça. Et on leur a apporté le soutien des Novox. Et ça a eu, enfin, pas uniquement les... Novox, hein, parce qu'il y avait aussi la CGT qui était présente. C'est une affaire qui a... Et du coup, la lutte est payée. Et il y a eu des satisfactions sur plusieurs points. En particulier, ça a l'air d'être tout con, le paiement des heures supplémentaires. Hein. Des heures sup, t'es payé, tes heures sup qui sont payées quoi toi. Parce que les mecs ils bossent 12 heures par jour, là, mais ils sont payés une misère. Et encore une fois, ils logent sur place, enfin ils font que de bosser quoi toi. Ils peuvent même pas. Ils ont déjà du mal à se laver, tout ça, à dormir, il faut voir les bungalows qu'ils ont. Qu'en plus de ça, ils payent. Les mecs ils payent pour leurs bungalows de merde. Et puis en plus, ça, faut voir, c'est qu'ils manipulent des produits chimiques qui sont dégueulasses. Quoi, ouais. Là, moi, j'ai pris une pêche, les mecs m'ont dit, oh là là, fais gaffe, surtout, tu ne bouffes pas ça, parce que eux, ils savent souvent. Alors, à la fois, il y a des conditions de travail qui sont dégueulasses pour produire de la merde. Quoi. Ouais. Hein ouais. C'est lié par les deux bouts, quoi. Et je pense que se battre pour des contre ces contrats précaires dans l'agriculture comme dans d'autres secteurs de l'économie, et ben c'est aussi se battre contre le productivisme. Enfin, il y a un lien dans et tout ça, il me semble. C'est des arrangements qui, à ma connaissance, ça se fait entre gouvernements. Il y a des quotas, ça se fait sur un plan très, très officiel. Hein. Encore une fois, c'est sous le couvert de l'Office international des migrations. Et c'est très intéressant parce que c'est très lié. Quoi, ici, les conditions de travail des Polonais et les conditions de travail des travailleurs africains dans le sud de la France. Mais pas uniquement dans le sud de la France. Hein. Ça, ouais, ouais. Les contrats OMI, ils ont lieu ailleurs aussi. Hein. Voilà, donc c'était Gérard, qui est militant chez ATTAC et chez Nouvox, qui était venu avec les marches européennes à l'anti-G8 de Rostock en juin dernier, et qu'on suivait là au bord d'un champ de fraises. On était trois, on était avec Benoît, et on était là parce qu'on avait trouvé dans Rostock des petits édicules, des petites boutiques en plastique en forme de fraises, qui vendait d'excellentes fraises à un prix tout à fait correct. Et ça nous a intrigué, ces fraises, et on a remonté un peu la chaîne jusqu'à l'endroit où elles étaient plantées. Et on est tombé donc sur une exploitation qui s'appelle Karl, c'est la ferme Karl, qui cultive ces fraises. Et on a pu discuter un petit peu avec le Karl en question, le patron de cette petite exploitation, qui nous a expliqué que s'il vendait ses fraises dans des édicules de cette manière, c'était parce que il était tout à fait réfractaire à la grande distribution. Il n'avait pas envie de vendre ses fraises dans des grandes surfaces, et que donc ces petites boutiques, il y en avait partout à Rostock, également à Hambourg, et que donc c'était une production locale écoulée localement, ce qui nous a paru assez sympathique. Alors l'envers de cet aspect, c'est que Karl emploie des travailleurs saisonniers venant de Pologne, qui sont donc des transfrontaliers, selon l'idée que aucun Allemand, aucun habitant de Rostock n'accepte de travailler dans sa ferme, c'est-à-dire de se lever tôt pour cueillir les fraises, pour qu'elles restent fraîches pendant la journée, etc. On n'a pas réussi à en savoir beaucoup plus en vérité, mais on imagine que l'idée qu'il faut se lever tôt pour cueillir des fraises n'était peut-être pas la seule raison pour laquelle Karl n'arrive pas à employer des Allemands, et qu'il avait de toute façon bien intérêt à employer des saisonniers polonais, qui payent certainement moins cher, qui sont d'ailleurs des transfrontaliers, hein, la Pologne est juste à côté de Rostock, et qui, nous disait-il, ces Polonais... arrive de plus en plus à trouver du travail en Pologne, à monter des exploitations de fraises, exploitations qui elles-mêmes en Pologne emploient des Ukrainiens. Donc voilà, on était dans le paysage de l'agriculture européenne tel qu'il se présente depuis les années 80, de plus en plus, et on parlait donc de ces contrats OMI. Alors la grève dont parle Gérard, elle s'est déroulée en juillet 2005. Dans la Crau. La Crau, c'est la plaine de la Crau, c'est une grande plaine qui se trouve à l'intérieur des terres, au niveau de ce qu'on appelle la Camargue, c'est-à-dire à l'ouest de Marseille, un peu avant Arles. On traverse ça par l'autoroute ou par le train, et on voit des vergers à perte de vue. Et l'exploitation concernée par cette grève, pour vous dire, produit à elle seule 11% du marché de la pêche en France. C'est une exploitation qui s'étend sur 1700 hectares et qui, au moment, donc en juillet 2005, au moment de cette grève, employait 240 travailleurs saisonniers maghrébins, tous sous contrat OMI. Alors les contrats OMI, ça veut dire quoi? Ça veut dire Office des Migrations Internationales. C'est des contrats qui sont prévus pour faciliter des accords qui ont été passés entre la Tunisie, le Maroc et la France depuis une quarantaine d'années, pour permettre la venue de travailleurs saisonniers tunisiens et marocains sur le sol français. Comment ça se passe? Alors en fait, théoriquement, l'employeur est censé d'abord déposer des offres à la NPE, c'est-à-dire l'Agence Nationale pour l'Emploi, on dirait l'ORBEM ici, la NPE, donc la plus proche de son exploitation, et ces offres d'emploi ne trouvant pas preneur spontanément, il obtient de la Direction Départementale du Travail l'autorisation d'employer un certain nombre de contrats OMI. Le travailleur OMI cotise aux ACEDIC, c'est-à-dire à la Caisse de Solidarité, mais ne peut pas bénéficier du chômage lorsqu'il est débauché pendant la basse saison. Il revient chaque été, mais il n'a pas droit à l'ancienneté. La mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône a décrété que les droits sociaux s'arrêtaient à la fin du contrat. Et par ailleurs, bien, on imagine bien que il touchera une retraite et des prestations sociales au rabais. Et lorsque ça recouvre également au niveau des conditions, c'est ce qu'a révélé cette grève, c'est que par exemple sur cette exploitation d'un certain monsieur Comte, il demandait à ses ouvriers de ramasser chacun 6 tonnes de pêche par jour, c'est sans leur fournir d'échelle, ce qui fait qu'ils étaient obligés de monter aux arbres. Ça fait à peu près 300 caisses de 40 kilos hein, par jour, pour un salaire de 7 euros de l'heure. Mais alors le patron déduisait en plus 62 euros par mois pour le logement. Et alors le logement, bon, pour en avoir une idée, moi j'ai été voir ça dans un journal de confiance, c'est CQFD, qui est un journal indépendant marseillais. Et alors, eux, ils avaient publié des photos dans leur numéro 40. Si vous voulez les voir, vous pouvez aller sur leur site internet. C'est le numéro 40, donc, de CQFD. CQFD, c'est pour ceux qu'il faut détruire. Et on voit notamment des photos des habitations des travailleurs de Saint-Martin-de-Crau. Ça ressemble à peu près aux habitations que Paul Meyer avait filmées dans le Borinage pour son film « Déjà s'envole la fleur maigre ». C'est une espèce de tôle ondulée, ça ressemble pas mal à un bidonville. Et donc, chaque travailleur payait 62 euros pour habiter là. Et on apprenait aussi que les pesticides étaient aspergés en même temps que le travail de récolte, et que les produits de ces pesticides étaient systématiquement livrés sans étiquette. Donc aucun moyen d'en vérifier le degré de nuisance et évidemment de nombreuses maladies respiratoires. Pour des travailleurs saisonniers, c'est pas très grave, hein. Il y aura personne pour payer l'hôpital. Donc les 240 travailleurs de chez Monsieur Comte le 12 juillet 2005 ont décidé d'organiser la première grève des contrats OMI dans l'histoire. Et ils l'ont fait grâce au soutien de certains syndicats et de Novox dont nous parlait Gérard. Et c'est une grève qui a été, si l'on peut dire, victorieuse, puisque l'État a au moins dû s'engager à intervenir pour promettre la construction de nouveaux logements, et le patron a renoncé à toucher ce loyer prohibitif. Il a d'abord menacé de déposer le bilan, en disant que la situation était intenable, que sans les contrats OMI, il ne pouvait pas fonctionner. Et puis là, il a quand même trouvé les ressources pour ne pas toucher ce loyer indu et pour, comme disait Gérard, peut-être payer quand même les heures supplémentaires. Non, ça peut... J'ai parlé tout à l'heure de « Déjà s'envole la fleur maigre » de Paul Meyer, dont on entend maintenant la bande-son. C'est un film qui a été tourné en 1959 dans le Borinage, en Belgique, en pleine guerre du charbon. C'est cette période qu'on a appelée la guerre du charbon, où la Belgique avait, en pleine après-guerre, conclu un accord avec l'Italie qui lui fournissait de la main-d'œuvre pour ces mines, mines belges dans lesquelles les mineurs belges, les mineurs de Belgique étaient réputés ne plus vouloir descendre. Ils avaient certainement de bonnes raisons de ne plus vouloir descendre. Ils avaient aussi une histoire syndicale derrière eux. Ils savaient que ces mines étaient dangereuses et malheureusement l'actualité leur a donné raison. On pense à la catastrophe de Marcinelle. Donc on faisait appel à la main-d'œuvre italienne, et on avait commandé en 1959 un film à Paul Meyer, qui était alors réalisateur de télé, un film pour montrer comment cet échange, cet accord de charbon et de main-d'œuvre fonctionnait bien. Et Paul Meyer a réalisé ce film de commande en lui donnant un tout autre sens, beaucoup moins glorieux, en montrant que la précarité des mineurs venus de Sicile étaient très grandes, et leur désespoir immense. Et c'est un film qui a été très mal reçu par l'État belge, qui l'a censuré, tout bonnement. Et c'est un film qu'on a pu revoir à partir des années 90, et qui est aujourd'hui extrêmement intéressant, si vous avez l'occasion. J'espère qu'on pourra le programmer encore à l'aventure. C'est un film qui nous montre que la précarité n'est pas seulement devant nous, elle a aussi une histoire. À Marseille, il était tout pareil, le toboggan. Marseille, ils ne m'ont pas raté en 39. Quoi, tu travailles en France depuis 6 ans, et alors, allez, marche! Faut que je parte d'ici, bisogna che parte da qui. Ach, was, die Italiener sind unsere Brüder. Bruder, Bratz, frère, ami. Mais mon cher, la main-d'œuvre la moins qualifiée d'Europe est italienne. Que faisiez-vous à Marseille? Docker. Docker? Enfin, à Paris, vous ne trouverez que dans le bâtiment, mon ami. Bisogna che me ne vada da qui. T'as quitté Paris pour venir dans le Borinage? Bon, t'as raison, ici, avec du courage, tu peux gagner gros. D'où en est, de courage? Quel coffre, voilà un gaillard que la silicose n'ébranle pas. Combien gagnes-tu à la journée? À la journée, je gagne sur la viande que je ne mange pas, sur les chaussettes que je n'achète pas, sur ce que je ne bois pas. Je gagne sur les nuits, sur mon temps libre à faire le jardin des autres. Tu parviens encore à envoyer de l'argent à ta femme avec ses 4 jours de chômage par semaine? Faut que je parte d'ici, que je rentre en Italie. Bisogna che vada in Italia. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se mente entre nous. C'est un des problèmes des syndicats dans ce pays, je suis syndicaliste. Hein. C'est un des problèmes des organisations de gauche. La difficulté à ce qu'une gauche réelle émerge dans ce pays, c'est le mythe d'une classe ouvrière qui serait homogène. Ça n'est pas vrai. Depuis les débuts du capitalisme, on a mis en place des modes de gestion des rapports de classe qui utilisent l'immigration, qui utilisent le clivage de la nationalité. Et ça, c'est quelque chose qui a marqué profondément, y compris le monde du travail français. Alors, l'hétérogénéité du monde du travail, elle est à l'intérieur de ceux qui ne sont pas issus de l'immigration, comme elle est entre ceux qui sont issus de l'immigration et des autres. Si les syndicats ne prennent pas en compte la diversité de la classe ouvrière, eh bien, ils ne serviront qu'à reproduire les inégalités existantes, malgré eux, de manière involontaire. On est dans une période dans laquelle la concurrence pour les biens rares, pour l'emploi, le logement, etc., est en train d'augmenter. Eh bien, si les syndicats n'ont pas en tête que ceux qui vont le plus payer, ce sont les jeunes, les femmes et les personnes issues de l'immigration, ils ne seront pas capables, dans leur stratégie de lutte, de mettre en avant des dimensions de compensation dans les luttes pour qu'on s'occupe plus des femmes, des jeunes et des personnes issues de l'immigration. Dans une période de crise, ce sont les plus faibles qui payent encore plus à la sortie de la crise. Et la non-prise en compte de cette hétérogénéité de la classe ouvrière, c'est ce qui empêche d'unifier la classe ouvrière. Et je pense que c'est important qu'on l'ait en tête. La troisième chose sur la précarité, on est devant un autre enjeu aussi, hein, précarité dans nos quartiers populaires. Sur un autre enjeu, qui est l'organisation historique du syndicat sur la base de l'entreprise. Or, nous avons aujourd'hui une grande partie de ce monde des travailleurs qui va être dans des intérims permanents, des CDD permanents, etc. Et dans la succession de toutes ces formes de précarité. S'il n'y a pas, à côté de l'organisation de l'entreprise, le développement d'organisations syndicales sur les lieux d'habitation, sur les lieux de formation, les centres de formation, etc., eh bien je pense qu'une partie importante, celle qui va être la plus dominée, la plus en précarité, la plus en flexibilité, qui ne pourra pas avoir écho dans les revendications et dans les luttes. La dernière chose sur les discriminations, d'abord ne reprenons pas le discours sur la diversité. C'est du bluff. La diversité qui ne s'articule pas à l'égalité, ça ne veut rien dire. C'est ce que c'est que la diversité ? C'est la photo de famille. On prend la femme de ménage noire, on prend le balayeur arabe et on le met à côté du PDG blanc et on dit « Regardez, on a la diversité. Hein ». Ou on articule diversité et égalité, ou ça ne veut rien dire. Lorsqu'une entreprise prétend combattre la diversité, demandez l'organigramme. Demandez pas la photo de famille, demandez l'organigramme. L'organigramme, on verra bien qui est où. Sur les discriminations, je rappelle quand même la dernière enquête du Bureau international du travail sur la France. 8 employeurs sur 10 disent prendre en compte l'origine de manière discriminatoire au moment de l'embauche. 4/5 des employeurs en France, et la France apparaît comme un des pays où c'est particulièrement développé. Et tous ceux qui pensent que ça, c'est le fait du hasard, oublient tout simplement comment dans ce pays, bien l'histoire de ce pays, et l'histoire avec les pays dont sont originaires les travailleurs immigrés aujourd'hui, c'est-à-dire le Maghreb et l'Afrique, c'est les anciennes colonies. Ces anciennes colonies, c'est-à-dire là où on a habitué, y compris le peuple français, il faut qu'on prenne en charge ce travail, à les regarder comme des non-égaux, comme des gens qu'on peut éventuellement soutenir, on peut aller leur donner la main, mais on ne les considère pas comme à égalité. Il y a cet héritage-là, et cet héritage-là existe au sein du monde du travail. Si on ne le pose pas, on ne pourra pas le combattre. Si on veut vraiment qu'un jour l'égalité existe entre travailleurs, il faut le poser clairement, et en réalité, le meilleur service qu'on puisse rendre aux syndicats aujourd'hui, c'est de les emmerder, c'est de les bousculer, c'est de leur dire, regardez, vous parlez de discrimination, moi je suis à la CGT et je suis très content que la CGT s'occupe de discrimination, mais comment se fait-il qu'on a beaucoup de délégués syndicaux maghrébins et noirs, et peu de personnes au sein des UL, peu de personnes au sein des UD, dès qu'on monte dans la hiérarchie syndicale, on n'en a quasiment pas, il y a combien de personnes issues de l'immigration à la Confédération ? Une. Ça nous pose quand même des questions. C'est-à-dire que les outils dont on s'est doté en tant que travailleurs pour lutter contre les capitalistes tendent à reproduire aussi à leur interne ses propres discriminations. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut quitter les syndicats. Au contraire, il faut y aller, mais il faut y aller pour ne pas se taire, pour bousculer. Alors, changement de décor. On était début juin à Rostock pendant l'anti-G8, le long des plantations de fraises en train de deviser sur les exploitants et les exploiteurs du sud de la France, et nous voilà projetés à Saint-Denis pendant le Forum social des quartiers populaires de Saint-Denis, donc près de Paris, fin juin, le 23 précisément, lors d'un débat sur le thème de la précarité, et on écoutait là Saïd Bouhama, des indigènes de la République et aussi du Forum social des quartiers populaires du Nord. Alors pourquoi ce saut de puce ? Eh bien d'abord parce que c'est un peu la loi du genre dans cette émission un peu spéciale, un peu estivale du journal sans papier, où on va comme ça de souvenir en souvenir, qu'on pioche comme ça dans le grand tiroir des sons non diffusés cette année. Et puis peut-être qu'il y a un certain rapport entre ces saisonniers polonais qui viennent ramasser des fraises en Allemagne, ces travailleurs marocains et tunisiens qui viennent ramasser les pêches dans le sud de la France, ces mineurs siciliens qui venaient en 59 dans le Borinage et qu'a filmé Paul Meyer, peut-être qu'il y a comme un rapport, peut-être même une histoire de la précarité qui commence à peine à s'écrire, puisque avant de reconnaître cette précarité, eh bien, il aura fallu que ce phénomène commence à toucher des nationaux dans chaque pays. Et c'est bien dommage, mais ça nous rappelle aussi que l'un des rouages essentiels dans ce système d'exploitation, eh bien, c'est le racisme qui fait qu'on ne fait pas de rapport entre les problèmes. Tant que ce ne sont que des étrangers qui sont touchés par la précarité, tant que ce ne sont que les pays du tiers-monde qui sont appauvris à l'extrême par la mondialisation capitaliste, eh bien, il semble que tout cela n'existe pas, n'est pas d'histoire. Et c'est à peu près le même problème avec le chômage, qui a également une histoire et qui a bien du mal à rentrer dans les considérations des syndicats. Toutes ces questions, eh bien, elles ont rebondi hein, au Forum social des quartiers populaires de Saint-Denis. Elles ont rebondi dans le débat sur la précarité qui avait lieu le 23 juin, et notamment par cette intervention qu'on va écouter de Daniel de Lapès. Daniel de Lapès qui nous rappelait que, effectivement, la question du chômage, comme celle de la précarité, avait bien du mal à être considérée dans la lutte syndicale, et que face à ça, eh bien, il y avait peut-être une égalité à retrouver. Ouais, bon, je me présente vite fait. Daniel de Lapès, association de chômeurs. Moi, j'aurais plusieurs remarques par rapport à ce qui a été dit. D'une part, faut pas oublier que la discrimination homme-femme et d'origine, c'est quelque chose qui a toujours servi à diviser le monde du travail. Donc c'est une logique, ça vient pas de parce qu'il y a 4 patrons sur 5 qui sont racistes, c'est parce que c'est une logique qui permet de maintenir une division au milieu dans l'organisation des travailleurs, une division dans la défense de leurs droits, etc. Et puis on a très peu, hélas, parlé du chômage, qui concerne quand même 5 millions de personnes et plus. C'est aussi pareil, quelque chose qui sert la division. Donc, de toute manière, le chômage, ça joue sur l'offre et la demande. Si t'es pas content des conditions qu'on te propose, il y en a plein qui attendent derrière. Bon, après, sur les syndicats, je pense que on va pas, ce serait un peu perdu de temps. D'une part, parce que les conclusions sont simples pour ceux qui, comme moi, sont dans les comités de chômeurs. Faut savoir que, on a été accepté les associations de chômeurs ont été acceptées dans la manifestation du 1er mai que depuis 1991. Et ça, je m'en souviens très bien, puisque j'y étais, et que ne serait-ce que le service d'ordre du 1er mai, les gros balèzes, là, je citerai pas les noms des syndicats auxquels ils appartiennent, pour qu'ils nous acceptent notre cortège dedans, ça a été une engueulade de je sais pas combien de temps. Bon, le vrai problème, de toute manière, ça a été dit, c'est que les syndicats en France ont abandonné la défense générale du monde ouvrier et des travailleurs. C'est-à-dire que t'as plus de boulot, t'es plus un travailleur, le syndicat s'occupe plus de toi. Je veux dire, il a fallu. Le MCP s'est créé en 86, l'APES en 87, AC au début des années 90. Là, c'est pour que la CGT chômeur se crée, il a fallu encore attendre 10 ans. Et qu'on bosse tous ensemble, c'est encore une autre histoire. Bon, ça marche à peu près, mais voilà. Après, moi, il y a quelque chose, je voudrais vite parler quand même, parce que je pense que c'est fondamental, on dit qu'il faut penser des solutions concrètes. Je pense que le mode pour un forum des quartiers populaires, le mode d'organisation d'un débat comme celui-là, est déjà un problème fondamental. C'est-à-dire, déjà, tant qu'on peut ne pas faire de tribune, ne faisons pas de tribune, parce que c'était très intéressant tout ce qui a été dit. Simplement, je pense qu'à peu près tout le monde ici pourrait parler une demi-heure aussi de son parcours, dans les écoles et tout, donc ou dans le chômage, à travers les emplois jeunes, la précarité, etc. Et ensuite, ce qui est quand même dommage, c'est qu'effectivement, à partir de là, on va pas chercher. Je pense que le principal truc qu'il faut, alors je dis ça en jactant, ça peut paraître contradictoire, c'est aussi d'écouter. Je sais quand on organise des débats, par exemple, je me suis retrouvé à passer la parole dans un débat sur le chômage à Ivry-sur-Seine. Bon, bah, avant qu'une personne parle deux fois, j'ai été voir la personne timide au fond, qui jactait pas, pour lui demander si elle avait quelque chose à dire. Et elle a dit d'ailleurs très bien que la solution au chômage, c'était la révolution. Et je pense que c'est la personne qui avait dit le truc le plus sensé de la soirée. À partir de là, il faut déjà, si on veut changer les rapports sociaux, si on veut changer les rapports personnes d'origine étrangère, personnes d'origine française, hommes, femmes, chômeurs, travailleurs, etc., faut aussi voir comment on permet la prise de parole égalitaire à la base, c'est-à-dire comment on s'arrange pour que tout le monde puisse s'exprimer. Donc ça, c'était Daniel de Lapès qui intervenait dans un débat le 23 juin sur la précarité au cours du Forum social des quartiers populaires de Saint-Denis. Daniel qui nous parlait donc de cette nécessité d'intégrer la question du chômage et de la précarité dans la question de l'emploi et de retrouver pour ce faire une forme d'égalité dans la prise de parole. C'est une question qui a été soulevée pendant le Forum social des quartiers populaires où effectivement, malgré tous les efforts des organisateurs, eh bien, il existait encore là une scène, une table, des chaises réservées à des orateurs et puis la salle dans laquelle on fait traditionnellement passer un micro en réservant le plus de temps possible au public, mais malgré tout dans des formes qui ne sont pas faites pour favoriser l'égalité de la prise de parole. L'égalité de la prise de parole, il en a aussi été question à Rostock. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait à peu près un peu trois raisons comme ça d'être à cet anti-G8, qu'il y avait des gens qui voulaient s'adresser aux gouvernants et puis des gens qui voulaient s'adresser disons à la foule en étant justement sur des tribunes, et puis qu'il y avait aussi des collectifs qui étaient là pour créer des réseaux internationaux et se rencontrer. Et bien parmi ces collectifs, ces réseaux, il y avait les marches européennes. Et les marches européennes, c'est un réseau qui existe depuis 1996, qui a été fondé à Florence, et qui s'est donné pour but d'organiser des marches à peu près à tous les sommets européens qui ont eu lieu depuis, pour aller à la rencontre des sans-voix, des sans-logements, des sans-papiers, des sans-emploi. Et alors cette fois, pour la première fois, ils convergeaient vers un G8. Et ce G8 de Rostock, et donc ils ont marché de Paris à Rostock, et ils en étaient là au stade de faire le bilan de cette marche, et donc vous allez voir que sur la question de l'égalité de la parole, on était au travail. Il y a eu une distorsion pendant les marches, deux distorsions. La première est que nous étions d'accord pour qu'il y ait des actions de solidarité, des luttes partout où nous passions. Et qu'après, le soir, il y avait des rencontres et des échanges qui laissaient un espace de parole aux marcheurs dans leur motivation et leur différence d'association, migrants, habitat, logement, travail, emploi, précarité. Donc là, on n'a pas eu ça. On a effectivement conduit des actions concrètes de solidarité. Je dirais pas d'actions concrètes, je dirais plutôt des solidarités visibles. C'est-à-dire on a été porté une solidarité, je dirais pas qu'on a construit des actions. Donc ça, c'est peut-être un des débats qu'on devrait avoir. Le plus ennuyé, c'est la conception du soir, des tribunes qu'on nous impose, sans laisser à aucun moment la place aux marcheurs et aux marcheuses de prendre la parole et de présenter leur propre conception et stratégique et des mouvements et de leur propre action et même d'eux. Je veux dire, on a plein de militants ou militantes qu'on ne connaît pas, on ne sait pas d'où ils viennent, ce qu'ils font. Et plus grave, quand sont arrivés les Polonais, les Biélorusses, à aucun moment il y a eu ce moment de rencontre, de connaissance de notre histoire, de nos stratégies, de nos pratiques, etc. Et ça, c'est, à mon avis, quelque chose qu'il va falloir qu'on analyse pour ne pas refaire cette erreur. Parce que la privation de parole, je dirais, pour finir, sur les internationaux, c'est un peu choquant qu'à aucun moment ils puissent présenter, pareil pour les Biélorusses, les Polonais, tous ceux qui sont arrivés des différents pays, pour les Brésiliens ou les Japonais, qu'à aucun moment on ne leur donne un espace de parole pour effectivement présenter les mouvements et pourquoi, dans le cadre du G8, il est important que nos mouvements invitent ceux des autres pays pour qu'on puisse montrer que la question internationale est aussi importante que la question européenne pour nous. Ce qui veut dire qu'on a le sentiment, et là je parle pour beaucoup, que les marcheurs et les marcheuses ne sont pas aptes, y compris à une intervention politique, stratégique, ni sur ces pratiques, ni sur même l'analyse politique, et que effectivement la parole est donnée à des experts et des gens qu'on ne connaît pas, qui nous donnent des leçons sûrement, puisqu'apparemment nous on n'est pas aptes, donc on doit écouter effectivement, et là ça pose un problème de fond. Ce n'est pas notre culture à Novox, et ça on est très scandalisés sur cette question. Tous les marcheurs sont aptes à parler du chômage, à parler des questions de l'habitat, à parler des questions migrants, sur les questions des lois, sur les questions des relations internationales, etc. Et ne leur, jamais leur donner la parole, c'est inacceptable. Parce que c'est du mépris, ce qu'on appelle du mépris. Donc ça, c'était le bilan des marches européennes à Rostock. Vous avez pu entendre Annie Pour, qui vient du réseau Novox, dont il a déjà été question. Si je vous passe ce son, évidemment, c'est pas pour discréditer les marches et dire que, décidément, quelle organisation désastreuse. Évidemment, dans cette recherche de l'égalité de la parole, eh bien, on a tous beaucoup de travail et on peut très vite louper son coup, puisque c'est aussi une question d'organisation, c'est une question de dispositif, de mise en scène, souvent. Et ça se joue à des détails. Je suis bien placé pour en parler de derrière un micro où vous ne pouvez pas évidemment me répondre. Et quand c'est pas le dispositif, quand c'est pas la mise en scène, quand c'est pas l'organisation, eh bien, c'est des fois les leaders. Les leaders, c'est aussi une épidémie des collectifs qui fait que quelqu'un a plus de compétences ou de charisme et s'impose et commence à représenter les autres. Et c'est comme ça qu'on se souvient de beaucoup de collectifs dans l'histoire à travers leurs leaders, pour le meilleur comme pour le pire. Je suis un militant, et tout militant du mouvement du 22 mars est responsable pour le mouvement, donc je suis un responsable du mouvement. Et je crois qu'effectivement, ce qu'il faut dissiper, c'est la notion de leader. Le mouvement du 22 mars, justement, refuse tout leadership, quoiqu'il est conscient qu'il est, à certains moments, des porte-paroles qui se mettent plus en évidence que d'autres. Mais tout ça change. Il est évident que maintenant, ce seront d'autres qui prendront la relève. Ça, c'était Danny Cohn-Bendit, en mai 68, sur la question des leaders. Alors, c'est intéressant parce qu'il était dans une démarche critique vis-à-vis des leaders, mais... En même temps, bien, quand on se souvient aujourd'hui du mouvement du 22 mars, c'est de lui dont on se souvient. Et non seulement à propos du mouvement du 22 mars, mais il est également devenu un peu l'icône de tout le mouvement de mai 68 en France. Et d'ailleurs, il continue sa carrière de député européen. Donc il faut croire que le naturel de leader l'emportait chez lui sur l'esprit critique sur ces questions. Mais enfin, en même temps... En mai 68, il n'y avait pas que le mouvement du 22 mars, il y avait beaucoup de collectifs, et notamment des collectifs dont on ne se souvient plus, peut-être parce qu'ils n'avaient pas de leader. Mais il y avait par exemple une expérience très intéressante du côté de Besançon. À Besançon, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait les groupes Medvedkin. Alors les groupes Medvedkin, c'est un collectif d'ouvriers, qui s'était donné pour but de réaliser des films entre ouvriers sur la condition ouvrière, et ils avaient pris le nom de Medvedkin d'après le nom d'un grand cinéaste russe qui s'appelle Alexandre Medvedkin, et qui a réalisé en tant que cinéaste bolchevique, on peut dire, un très très beau film qui s'appelle Le Bonheur, qu'il réalisait en tant que cinéaste bolchevique, mais qui était déjà une certaine critique du système soviétique. À ce propos, il y a un film que vous pouvez vous procurer assez facilement aussi, qui est très intéressant, c'est Le Tombeau d'Alexandre. Ça parle aussi d'Alexandre Medvedkin, c'est un film de Chris Marker. Et Chris Marker, justement, est à l'origine de la création du groupe Medvedkin de Besançon, puisque il est allé un jour à l'usine de Besançon pour filmer une grève et apporter des caméras aux ouvriers pour filmer cette grève. Et il a fait un film qui s'appelle « À bientôt, j'espère », et qu'il est allé, quand il a fini ce film qu'il avait fait sur cette grève, il est allé le montrer aux ouvriers, et par bonheur, eh bien, la réaction de ces ouvriers devant ce film a été enregistrée. Et c'est un petit film, un petit film sonore, on va dire, qui s'appelle La Charnière, que je vous propose maintenant d'écouter. Je pense que si les travailleurs de regard ont vu ça, et que si le réalisateur a voulu vraiment exprimer, alors vraiment il serait incapable. Si vraiment il a voulu exprimer ce que ressentent les travailleurs de regard et le besoin qu'ils ont, je pense que le réalisateur serait incapable. Je le dis crûment, je le dis tel que je pense, mais je pense plutôt, ouais, je le dis crûment aussi, que là il y a simplement une exploitation des travailleurs de regard par des gens qui, paraît-il, luttent contre le capitalisme. Moi, je pense quand même qu'il y a une chose qui est importante, c'est que, enfin, personnellement, ayant vécu dans la radio une certaine période, je pense quand même qu'on a bien donné, dans le film, la vie actuelle des militants de Rodia, des militants, des travailleurs de Rodia. Pas être les militants, c'est la vie de tous les travailleurs de Rodia. Et je crois que, je vous le dis, nous, on a eu ce film passé à un de nos congrès de syndicats qui a eu lieu à Saint-Brieuc il n'y a pas longtemps. Et tous les travailleurs, agents qui se trouvaient là, ont eu la même réaction. Ils ont dit, c'est terrible, comme ils vivent là-bas. Mais sitôt après, ils ont dit, mais c'est notre vie aussi à nous, parce que c'est terrible aussi comme on vit dans l'éducation nationale, de la manière où vivent les travailleurs agents de lycée. Mais à aucun moment, je crois, dans le film, un travailleur n'a soulevé le problème de la discipline dont on est victime à l'intérieur de l'usine. Souvent, on a entendu parler des conditions de travail, des charges de travail, du milieu ambiant, la température, de la chaleur, du bruit, etc. Mais à aucun moment, quelqu'un a soulevé cette tension permanente entre le pouvoir disciplinaire que détient le patronat et l'expression, tout du moins la tentative d'expression à la liberté de la part de l'ouvrier. Sur la condition des femmes à l'usine. Et j'ai le souvenir de deux interventions d'ouvrières d'usine qui insistaient justement sur la condition qui leur était faite en tant que femmes. Elles avaient affaire à des contremaîtres, par exemple, qui se permettaient de les siffler pour les appeler. Et ça n'apparaît pas, le travail des femmes, par exemple, là, dans votre film. C'est peut-être aussi une lacune. Oui, on donne des difficultés de la vie du couple, incontestablement. Mais la personne en question, elle a choisi que le couple, en totalité, travaille et mettre l'enfant en gardiennage dans un autre ménage ou quelque chose dans le genre, si j'ai bien compris. C'est un choix qu'elle a fait. En système capitaliste comme en système socialiste, ce choix-là, il doit l'avoir. Il a fait le choix qu'il s'en paye pas. C'est tout. Moi, je dirais franchement que personnellement, le jour où je suis rentré à la Volga, je n'avais pas choisi de rentrer à la Volga. J'avais choisi de gagner ma croûte. Quand ma femme est partie faire des ménages, elle n'a pas fait le choix d'aller faire des ménages. Elle a choisi pour pouvoir payer et faire élever ses 5 enfants. C'est ça la chose. Moi, je ne suis pas d'accord en disant ça. Le jour où je suis parti faire du travail noir, personnellement, non, mais je le dis les choses, même en système capitaliste, c'est pas nous qu'on choisit. On est régi depuis le bas jusqu'à la fin. Quand l'enfant vient au monde, on l'a déjà orienté dans le système capitaliste. Il ne le veut pas, le gosse. Alors je m'inscris en faux en disant qu'on fait un choix. Moi, je dis, je m'inscris en faux là-dessus. Et le film ne donne pas cette impression-là, au contraire. Moi, je voulais dire une chose. À notre congrès national, nous avons 5 jeunes qui venaient de l'académie de Besançon qui étaient là-bas, qui viennent prendre des responsabilités des réunions syndicales parce qu'ils ont vu le film de La Rodia. Le film permettra, si on sait nous faire des discussions, si on sait partout, le film permettra une évolution certaine de la classe ouvrière. Et aussi, une compréhension d'autres gens qui sont en dehors de la classe ouvrière à l'heure actuelle et qui de plus en plus se rangent à nos côtés. Le film en tout pessimiste, parce que tous ceux qui ont été interviewés se plaignent dans le film. Tu comprends? Dans un dire qu'ils se plaignent d'une chose, moi d'une chose, il n'y en a pas un qui est content. Il n'y en a pas un qui peut dire, oui, qu'il y a la fin, on vous aura, c'est tout. Mais il n'y en a pas un qui peut dire, moi je vais me promener, je fais ci, je fais ça. Tous les gars se plaignent. Alors, c'est normal qu'on a l'impression que c'est des esclaves qui n'ont aucune vie, qui ne rigolent jamais. Tu comprends? Non, c'est par ce fait-là qu'il a... C'est pas tellement un film plaintif, c'est pas un film de Kiri Ellison, là. C'est les gens qui disent qui vivent, quoi, qui ont des problèmes, et qui disent leurs problèmes, ils les disent pas très bien, parce qu'on s'exprime difficilement, et qu'avoir une caméra devant soi, c'est gênant. Mais je pense que les problèmes qui nous touchent dans la vie de tous les jours, ils sont abordés très franchement, quoi. Mais les problèmes, nos espoirs, parce qu'on a des espoirs, on les a mal développés. Il manque la préparation parce qu'on a tellement l'habitude de ce travail qu'on ne sait plus l'expliquer, quoi, qu'on ressent plus, c'est une habitude. Mais tu n'expliques pas, non ? Oui, la question qu'on pourrait poser, est-ce que tu as l'impression, toi, de t'être mal à s'exprimer ? Oui. C'est inconcevable qu'on puisse réussir une grève sans un boulot d'équipe, sans quelque chose d'organisé, sans des structures. On a un téléphone arabe dans l'usine. Et là, ça paraît un peu seul, un peu... C'est du cinéma, quoi, un peu. Dans une boîte comme Radio Seda, où on triple la production en 3 ans, par exemple, dans un système, et où notre niveau de vie baisse. C'est quelque chose qu'on a oublié de démontrer, qui existe et qui ne pouvait pas être remis en question, même par les patrons. Ça, on a les chiffres de la productivité qui augmentent et d'autre part, un pouvoir d'achat qui stagne ou qui diminue. Là, il diminuait de 10%. C'était un truc à montrer. Et d'autre part, la force qu'on présente dans les meetings, nos liens communs de la classe ouvrière, notre besoin d'unité pour un combat qui intéresse tout le monde. On croit que c'est spécifique un peu à Rodia, ce film. Malgré que toutes les revendications autres que le salaire sont abordées, on n'a pas généralisé notre position vis-à-vis du patronat, pas assez. Et puis nos solutions, parce qu'on a quand même des solutions, là, elles ne sont pas abordées du tout. Quelle société on voit, on n'en parle pas. On dit qu'on est communiste, les communistes apparaissent comme des rigolos, là, je crois. Enfin, plus ou moins, quoi, ils mènent des grèves, c'est tout. Et qu'est-ce qu'on va mettre à la place ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Je crois que pour juger le film, il ne faut pas le juger, tout du moins, nous qui sommes des militants, simplement sur le film. Mais il faut tenir compte de l'époque à laquelle il se situe. Et je crois que son premier aspect positif, son premier mérite, c'est d'exister. C'est que pour la première fois, ou une des rares fois, les travailleurs sont apparus sur l'écran. Même s'il y a des aspects incomplets, s'il y a des choses qui nous semblent manquer, ça pose des problèmes. Ça amènera forcément quelqu'un à s'emparer de ce qui manque et à l'expliquer. Je crois que j'ai encore noté autre chose. Oui. Pourquoi les travailleurs ne se retrouvent pas dans le film ? Tu parlais d'analyse. Moi, je crois que, tout simplement, je le dis franchement, Chris est romantique. Il a vu les travailleurs, l'organisation syndicale, avec romantisme. Et il y a l'absence des organisations syndicales, parce qu'une grève, la préparation de l'action, on la voit sur le tas, là, elle est un peu improvisée. Mais c'est des heures et des heures de discussion, c'est une bataille d'idées au sein des conseils syndicaux qui sont très longs. Et c'est ça, finalement, l'âme de la classe ouvrière, ce sont ces organisations. Nos copains semblent des mécontents. Et c'est une faiblesse. Tous ces copains qui luttent, qui se battent tous les jours dans l'usine, ne le font pas seulement par esprit de révolte. Il y a dans cette salle des copains qui militent qui ne sont absolument pas des hommes révoltés. Et c'est ce qui amène ce nouveau langage. Les conditions de travail sont dures et tout, mais la prise de conscience d'où elle vient, sinon des organisations de la classe ouvrière. Et c'est une absence qui amène forcément à une faiblesse dans l'idéologie, cette absence d'organisation de la classe ouvrière. Alors, c'est peut-être pas par hasard qu'en même temps qu'on commençait cette entreprise dont on savait d'avance ses limitations et ses éléments d'échec, on avait quand même poursuivi une activité parallèle qui était celle d'un groupe de jeunes militants à qui on mettait entre les mains des caméras, des magnétophones. Avec cette hypothèse qui m'a paru toujours évidente, c'est que nous, on sera toujours au mieux des explorateurs bien intentionnés, plus ou moins sympathiques, mais de l'extérieur, et que, de même que pour sa libération, la représentation et l'expression du cinéma de la classe ouvrière sera son œuvre à elle-même. Et que c'est quand les ouvriers auront entre les mains les appareils audiovisuels qui nous montreront à nous les films sur la classe ouvrière, et sur ce que c'est qu'une grève, et sur ce que c'est que l'intérieur d'une usine. Mais je crois qu'on serait même 10 000 fois plus malin et moins romantique, et qu'on serait quand même limité par cette espèce de réalité cinématographique qu'on expérimente tout le temps, qu'on aille chez les pingouins ou chez les ouvriers, que finalement on ne peut exprimer réellement que ce qu'on vit. Et quel film que vous souhaitez, finalement, mes enfants, c'est vous qui le ferez. Il y a peut-être là un hiatus entre ce que dit Chris et ce que vous pouvez entendre. C'est que nous sommes, nous, convaincus que l'audiovisuel est à la portée instantanément de tout le monde. Tandis que peut-être pouvez-vous penser que l'audiovisuel, comme le langage écrit, comme la langue écrite, demande des années d'études. Nous sommes convaincus, nous, que ce n'est pas vrai. Et la preuve a été faite même ici par nos camarades du groupe Medvedkin, puisqu'ils ont fait des reportages qui sont tout à fait excellents à l'échelle professionnelle, en qualification professionnelle, sans aucune préparation technique. C'est-à-dire que ce langage audiovisuel est plus possible pour la classe ouvrière sans des années d'école. On n'a pas besoin de sortir de l'IDEC ni de Vaugirard pour faire de l'audiovisuel. Mais Christ n'est peut-être pas aussi romantique qu'on le pensait. Ce pari qu'il faisait n'était pas gratuit. Depuis quelque temps déjà, des équipes de cinéastes venaient à Besançon nous révéler les secrets de la Beaulieu, du Pentax et du Nagra. Et puis il y avait cette extraordinaire séquence tournée en mai devant Yéma par l'équipe Mario, Bruno et Elvire. Il fallait bien tenter d'en faire quelque chose. L'occasion nous était donnée d'ajouter à bientôt j'espère ce film que nous critiquions avec passion, parce que nous l'aimions avec passion, tout ce qui à notre avis manquait, tout le petit aspect du militantisme médiocre au jour le jour, comment se créer un syndicat, avec qui, comment on devient un militant, quelles sont les joies et les difficultés du militant, pourquoi militer, contre quoi, avec qui et comment. Alors nous avons relevé le défi, mais c'est pas si simple. Pour faire du cinéma militant, on s'est retrouvé entre militants. C'est un boulot en plus. Après 8 heures d'usine, en plus des réunions, des tracts, des collages, des souscriptions, mais on avait mis le bras dans l'engrenage. Et on avait tellement de choses à dire, et une nouvelle façon de les dire, un nouveau moyen, une nouvelle arme. Mais faire un film, c'est pas seulement filmer, entasser des bobines de pellicule. On n'apprend pas à se servir d'une table de montage, on n'apprend pas à tourner une interview synchrone en quelques heures. Au fur et à mesure que nous avancions dans la fabrication de notre film, nous nous rendions compte qu'il nous serait impossible de nous passer des techniciens du cinéma. Et nous avons appris des choses. Par exemple, que le militantisme n'est pas l'apanage de la classe ouvrière. Que des opérateurs, des monteuses, des ingénieurs du son parmi les plus grands sont prêts à travailler avec nous pour des clopinettes. Ils sont venus et ensemble nous avons fait le film. Avant, ils étaient quelques-uns à penser qu'il fallait travailler pour nous. Nous étions quelques-uns à penser qu'il faudrait qu'on s'en sorte sans eux. Aujourd'hui, nous savons que le cinéma militant ne peut naître que de la collaboration de militants ouvriers et de cinéastes militants. Voilà, c'est sur ce son que se termine le journal Sans Papier, ce son qui date de 1968, qui a été enregistré par le groupe Medvedkin de Besançon. Il a été enregistré et puis édité aux éditions Montparnasse. Vous pouvez le trouver dans un double DVD qui s'appelle « Les groupes Medvedkin ». Et ce son s'appelle La Charnière. Sur ce même DVD édité par Montparnasse, vous pouvez trouver aussi un film qui s'appelle À bientôt j'espère et qui était le film auquel réagissaient dans ce son les ouvriers de la Rodiaceta. À bientôt j'espère, c'est un film de Chris Marker. Chris Marker avait voulu relater la grève de 67 de la Rodiaceta et les ouvriers avaient trouvé que son film était un peu extérieur, un peu romantique. Et comme vous l'avez entendu, bien Chris Marker leur répondait que effectivement un point de vue extérieur ne pouvait pas suffire et qu'il fallait absolument que les moyens d'expression soient utilisés par les principaux concernés. Eh bien, je pourrais à mon tour conclure ce journal sans papier en vous rappelant que si un jour la question des sans-papiers arrive à être considérée à sa juste mesure dans la question plus vaste de la précarité et de la discrimination, eh bien, ce ne sera certainement pas seulement grâce à des gens extérieurs, mais sûrement beaucoup plus grâce aux sans-papiers eux-mêmes. Vous savez qu'au journal de sans-papiers, nous sommes toujours prêts à accueillir les gens qui ont envie de s'emparer des outils. Voilà, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur les contrats OMI dont il a été question, et ceux de l'accro qui ont fait grève en particulier, je vous conseille, il y a beaucoup de choses à voir sur internet, mais il y a principalement deux articles de CQFD, le numéro 26 de septembre 2005, qui s'appelle « Les cueilleurs de pêche bossent pour des prunes », et le numéro 40 de décembre 2006, qui s'appelle « Les damnés de la serre ». Le Monde Diplo avait également publié un article assez complet qui s'appelle le trafic de main-d'œuvre couvert par l'État en juin 2005. Ça, c'est pour les contrats OMI. Pour ce qui est du journal sans papier, nous continuons à émettre tous les lundis sur Radio Panique et Radio Campus et le vendredi matin à 9h sur Radio Panique tout l'été. pour écouter des sons comme ça, un peu en périphérie de la question des sans-papiers aujourd'hui. Mais alors la prochaine fois, ce sera plutôt peut-être des portraits. C'est des sons qu'on n'a pas pu vous passer pendant l'année et qu'on passe comme ça maintenant. Et puis, il y aura aussi des émissions rediffusées pendant cet été. Restez à l'écoute. À bientôt.